réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec France Culture, ravi de vous retrouver en ce mardi 22 septembre. Un autre jour est possible, c'est votre réveil culturel, préparé par Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre. Et avec aujourd'hui Éric Orsenna. Depuis hier, Éric Orsenna nous raconte la vie et l'œuvre de Louis Pasteur, Éric Orsenna, qui publie chez Fayard La vie, la mort, la vie, autour bien sûr de Louis Pasteur. En deuxième partie, je recevrai le dessinateur habitué des sales blagues, Philippe Villemain. Il expose en ce moment à la galerie Huberti Brenne à Paris. C'est jusqu'au 17 octobre. Il passera prendre le café avec nous aux alentours de 6h20. Mais tout d'abord, tête chercheuse. Louis Pasteur, l'extraordinaire explorateur de la vie, par Éric Orsenna. Bonjour. Bonjour. Deuxième épisode aujourd'hui, les arts et les lettres. Il avait une drôle de relation avec les écrivains, on va laisser ça pour la fin. Mais est-ce qu'on peut dire que Louis Pasteur était un artiste avant de devenir un scientifique? Non. Il a dessiné ou peint ou crayonné, puisqu'il a fait des pastels jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'était, dans ce premier temps, un formidable respectueux du dialogue. Donc, du dialogue. Non, c'est très intéressant parce que un formidable respectueux du détail. Du détail. Et donc, il est respectueux. Il dit le réel, c'est ça. Et ce qui va être formidable dans son travail de chercheur, c'est que justement, c'est en plongeant dans les détails qu'il va faire exploser les idées reçues. Alors que dans ses pastels, il reste un peu en retrait. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans la science, comme dans la création, il faut de l'irrespect. Il faut de l'imagination et de l'irrespect. On dit du romancier, c'est un mentir vrai, mais c'est d'abord du mentir. Et quand on voit l'extraordinaire culot de certaines théories, l'extraordinaire culot de certaines thérapeutiques, notamment le vaccin, alors qu'il n'est pas tout à fait prêt. Il a travaillé sur les chiens, mais il n'a pas travaillé sur les êtres humains. Et brutalement, quand le petit Joseph Meister arrive, il décide de franchir le pas, alors que la plupart de ses collaborateurs sont contre. Donc il y a ce côté d'imagination, ce côté de culot, ce côté d'audace. Et alors qu'il fait ses pastels, il est tétanisé de respect. Et petit à petit, toute sa vie va être une sorte de lutte contre ce respect-là. Alors pourquoi il est plus intéressé par les visages, par sa mère d'abord, par sa famille, c'est-à-dire pas de paysage, pas de nature dans ses premiers dessins, dites-vous, Éric Orsenna? Ce sont ses repères, ce sont ses repères, il veut savoir quelles sont ses coordonnées, il n'a pas un sens très aigu de la nature. Les visages, c'est la vie, au fond. Comme c'est pas possible qu'il dessine les autres parties du corps, il dessine ce qui est directement ouvert à lui, et c'est-à-dire les visages. Donc on peut imaginer cette fascination pour les visages. Très vite, on imagine, se demandant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Parce qu'ils sont vivants, et pourquoi ils sont vivants? Et comment ça marche, ça? Et ce qui est très très étonnant, c'est que, moi c'est ça ce qui m'a le plus bouleversé, c'est ce travail formidable d'exploration de la vie. et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière et quels sont les tout petits animaux vivants qui font que la vie grande, la vie de tout, la vie très complexe, notamment des visages, est possible. Donc c'est ça ce qu'il va trouver. Et il va passer son temps à regarder, l'œil collé au microscope. Donc il a des microscopes à l'époque assez sophistiqués, puisque les grands inventeurs, développeurs des microscopes sont les Hollandais, qui tout au long du XVIIIe siècle avaient déjà fait des microscopes assez puissants. Donc il ne va pas pouvoir découvrir les virus, parce que là il faut des microscopes électroniques, mais les microscopes, le microscope qu'il a déjà, ces microscopes, ils permettent de voir les bactéries. Donc il voit ces petites cellules unicellulaires qui peuvent se reproduire et qui vont entraîner la plupart des maladies. C'est comme ça qu'il va découvrir. C'est-à-dire, il va découvrir en regardant. Il va découvrir en regardant. De la même manière que le grand expérimentateur Claude Bernard va découvrir en ouvrant et puis en regardant les nerfs, comment ça passe, comment, et les artères, comment ça fonctionne, etc. Donc vous voyez, ce sont des gens qui regardent. On est passé d'une non-explication d'ordre magique des fonctionnements du corps à une explication tout à fait expérimentale et par le regard. Donc, c'est un œil d'abord, c'est un regard, c'est ça qui me fascine. Donc, au fond, avec les pastels, pendant 4 ans, il s'oblige à une formidable discipline du regard, qui évidemment va lui servir par la suite. Mais on ne peut pas dire que ça soit de l'art. À quel moment Pasteur va décider de consacrer toute sa vie à la science ? Assez vite, c'est-à-dire que quand il présente le concours de l'école normale, ça se passe pas très bien, c'est pas un élève particulièrement brillant. Et puis il arrive à l'école normale et il choisit la chimie. Et pourquoi la chimie ? Parce que la chimie, c'est le mécanisme même de la vie. C'est dans la combinatoire de toutes les molécules que naît la vie. Donc il se dit, comment ça marche tout ça ? Et alors il va commencer par une sorte de relation entre un peu chimie, un peu physique, c'est-à-dire qu'il essaye de voir la structure de la matière, et puis inanimée. Et puis petit à petit, chemin faisant d'ailleurs, il invente une science qu'on appelle la stéréochimie, c'est-à-dire qui prête attention à la disposition des atomes dans l'espace. Ça suffit pas de savoir qu'il y a tel ou tel atome dans une molécule, mais de quelle est la place de chacun des atomes dans l'espace. Et puis petit à petit, il va abandonner cette matière inanimée pour la matière vivante. Et comment il va abandonner ça ? Comment il va être appelé ? Il va être appelé par la bière et il va être appelé par le vin. Il va être appelé par la bière parce qu'il y a la fermentation. La fermentation, il y a ces matières vivantes, ces champignons qui commencent à monter, et puis déjà, ces bactéries. Donc qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes qui voient dans les cuves des bières qui tournent, ou tournent mal, si on peut dire ? Il y a des petites bêtes, des petits bâtonnets, ils voient ça, ils disent « qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors que dans la bière saine, ça ne se passe pas. Donc il y a peut-être un mécanisme moteur là. Et puis il va trouver ça dans le lait. Et puis il va trouver ça dans le vin. Il va dire « mais à l'œuvre !» Dans tous ces maladies, il y a des êtres vivants. Donc il va plonger dans la vie même et il va voir que beaucoup de ces maladies sont causées par des mécanismes vivants. Soit des bactéries, soit des minuscules champignons qui sont en même temps des parasites. Et il va dire, tiens, mais au fond, au cœur de la vie, il y a la vie. C'est pour ça que c'est très fascinant. Il entre dans un univers. Il se trouve que à l'Académie française, j'ai succédé à Cousteau. Cousteau nous a fait découvrir un monde, le monde du silence, le monde de la profondeur, le monde des poissons, qu'on ne connaissait pas et qu'on connaît encore très peu. Eh bien, 100 ans avant, il y avait Pasteur, qui lui aussi nous fait découvrir le monde des infiniment petits qu'on peut regarder. Et on va voir de plus en plus grâce au progrès des microscopes. Et il y a un nouveau microscope qui va être acheté par l'Institut Pasteur dans les mois qui viennent, qui s'appelle Titan, qui va permettre de reculer encore plus la connaissance de la matière. Et ça, alors, ces mécanismes-là me fascinent. Moi, je suis absolu voyeur, j'adore regarder tout, et pas seulement les femmes, j'adore ça, j'adore... au moment de mourir, je pense que une des phrases qui me viendra, peut-être la principale, c'est « j'aurais bien regardé ». Éric Orsenna, vous êtes très admiratif quand vous racontez la vie particulière, l'œuvre aussi scientifique de Louis Pasteur. Et pourtant, on pourrait se poser des questions sur votre rapport à cet homme qui n'aimait pas tant que cela les écrivains, les philosophes. Alors, il a une relation de conservateur. Alors, on peut l'expliquer parce que c'est le siècle où il y a eu beaucoup de révolutionnaires en même temps de conservateurs. Et on peut expliquer cette accroche obstinée à un modèle social, étant donné qu'il était dans la découverte, dans le vertige de l'inconnu, de façon permanente. On peut dire, si je suis dans l'inconnu la plupart du temps dans ma vie, j'aime m'appuyer sur une structure, comme on disait au début, avec les lieux. C'est-à-dire les lieux de l'enfance. Donc, il est conservateur. Il est conservateur et c'est un scientifique qui vérifie ses hypothèses et qui est plutôt replié avant de faire ses grandes communications. Donc, c'est l'inverse de Victor Hugo. Et si, dans le 19e siècle tout entier, il y a le savant, c'est Pasteur, et l'écrivain, c'est Victor Hugo. Mais ces deux hommes ne s'aimaient pas. Ils se détestaient. Parce que l'un, Pasteur, considérait que l'autre racontait n'importe quoi, c'était quelqu'un, un semeur de désordre, un coquet, un hableur, un cinéma perpétuel. Et l'autre disait que c'était un conservateur, un égoïste, Et puis le fait que, dans la vie privée aussi, le fait que Victor Hugo ait notamment sa maîtresse avec Juliette Drouet, le fait qu'il ait lutté contre Napoléon III, qui était donc le successeur de Napoléon Ier, et que Pasteur avait été élevé dans le respect absolu des Bonaparte. Alors évidemment, tout ça n'était tout à fait insupportable. Donc il se détestait. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que quand il est reçu à l'Académie par Littré, par Renan. Et alors ce Renan, qu'on ne lit plus du tout assez aujourd'hui, c'est une sorte de Pasteur dans l'ordre des sciences humaines. Parce que il prend Jésus et au lieu de le révérer comme un dieu, il essaye de voir qui c'est ce personnage. En utilisant toutes les méthodes de l'historiographie de l'époque. Et il conclut en disant « Jésus, virgule, cet homme admirable ». Cette phrase qui nous semble simple et pertinente et respectueuse va entraîner des émeutes partout, notamment dans ma Bretagne Nord, où c'était pas possible, parce que c'était pas un homme. Et il y a eu des morts, il y a eu des émeutes. Donc c'est Renan qui reçoit Pasteur. Et Pasteur a eu la faiblesse d'attaquer son prédécesseur, Littré, en disant qu'il était positiviste et qu'il fallait respecter Dieu, etc., etc. Et alors Renan, dans un discours admirable, lui donne la leçon à Pasteur. Il lui dit « Écoutez, nous allons nous réjouir de vos certitudes, nous vous apprendrons l'esprit de doute et aussi, pardonnez-moi, l'esprit de finesse. » Et alors, comme un petit bambin, Pasteur baisse la tête et avale. C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante à l'Académie française. Demain, suite de notre série avec Éric Orsenna, et demain on parlera du rapport à la religion et à la discipline. À demain, Éric Orsenna. À demain. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les lignes du mariage. Mais quand elle va pédalant en culotte comme souave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Par ce jupon, la femme, froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'homme. Une chanson qui fait danser Éric Orsenna. Quel plaisir de l'entendre de bon matin. Froufrou, ça a été composé 2 ans après la mort de Pasteur, en 1897. Et là, c'est par Micheline Dax qu'elle est interprétée. Vous n'étiez pas là, Éric Orsenna. Non, mais j'ai connu Micheline Dax, c'était tellement drôle, tellement. J'adore ses voix pointues comme ça. Pointues comme Colette Renard, pointues. Parce que là, c'est très érotique, le pointu. Voilà. vraiment, j'aime pas le flou, moi j'aime la précision. La précision toujours est érotique. Vous en sorcelle, son froufrou, c'est comme un bruit d'aile qui pense et vient vous caresser. Froufrou, froufrou, par son jupon la femme. Froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme. Froufrou. Philippe Villemain, pour l'invité de ce matin, bonjour. Bonjour. Villemain, c'est pas de la merde. Voilà, c'est l'intitulé hein, de l'expo. C'est l'intitulé de l'expo, oui. Voilà, c'est à la galerie Hubert Ibrel à Paris jusqu'au 17 octobre. Qu'est-ce que vous exposez ? Ben essentiellement les dessins que je publie dans un journal qui s'appelle DBD, ouais. Un journal pointu sur la bande dessinée, donc je commente l'actualité de la BD. Mais c'est l'édito. Voilà, c'est l'édito, mais qui commente donc les parutions en BD. Puis bon, je présente aussi les dessins de Libération que je faisais à l'époque, et puis donc je travaille pendant Charlie Hebdo, le dessin de Charlie Hebdo, puis quelques sales blagues, enfin quelques planches de sales blagues, voilà. Alors, qui vous a aidé à choisir les dessins pour cette expo, Philippe Villemain ? En fait, ça s'est fait avec... les dessins, ils étaient déjà tout choisis, parce que c'est ceux de DBD. Ouais. Et puis, comme je publie beaucoup de trucs, donc le choix était assez restreint, mais j'amenais un peu tout ce que j'avais. Et puis, Vous les gardez, vos dessins, vos originaux ? En général, oui, mais bon, j'en ai beaucoup perdu, il y en a beaucoup qui ont été volés, j'en ai beaucoup vendu. Bien, et plutôt bien, mais ça fait 20 ans que vous n'avez pas exposé dans une galerie. Dans une galerie, non, mais j'ai fait une expo à Pau, je crois que je me rappelle, il y a 2-3 ans, mais voilà. Et donc oui, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de... Mais j'ai jamais cavalé après ça non plus. Bah oui, et oui. Ça, on le voit, hein, dès les premiers dessins accrochés, exposés, vous êtes un peu ironique sur ces auteurs de bande dessinée, cet art mineur, populaire, qui non, devient c'est... aujourd'hui coté, qui devient... Oui, c'est vrai, bon, en même temps c'est mon métier, donc c'est vrai que ça fait un peu doucement rigoler quand je vois les prix qui montent, des prix, des dessins qui valent presque du Van Gogh. Bon, il y en a qui le méritent, une planche d'Hergé il y a des très très belles choses, donc qui valent ce que... Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont... Moi, mes prix sont assez bas. Bah alors, est-ce que vous revoyez vos copains de jeunesse, Philippe Villemain ? Bon, il y en a beaucoup qui sont morts. Enfin, d'avant la bande dessinée ? Oui, par exemple, ceux avec qui vous avez fait de la musique quand vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, c'était dans les années 70. Oui, bon, en général, ceux-là faisaient de la BD. Oui, on se croise de temps en temps, mais la BD, enfin, en général, les gens se croisent surtout dans les... Dans les expositions, sinon en dehors de ça, je suis assez casanier, un peu ours, j'ai une bande de potes mais qui ne font pas de BD, voilà. Alors donc vous ne voyez même plus Jackie Berroyer avec qui vous avez créé dans les années 80 Raoul Teigneux contre les Druzes. On se croise dans la rue, puis on se fait des blagues quand on se croise, mais c'est une fois tous les ans. Bon. Mais bah, à part ça, il est toujours dans ma tête et je l'aime toujours aussi bien. Est-ce qu'autour de vous, on vous parle d'une évolution de votre humour, de votre dessin, de vos sales blagues ? Non, d'abord dans les sales blagues, il peut pas vraiment avoir d'évolution parce que la blague elle est comme dire intemporelle, donc elle était bien avant, elle sera bien après, donc il y a pas d'évolution là-dedans. Il y a pas d'évolution dans le trait. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué dans le trait quand vous revoyez justement vos anciens dessins? Dans le trait, oui. Alors il y en a qui préfèrent comme je dessinais avant, mais en vieillissant, je deviens un peu Miro, je dessine plus pareil. Déjà, je dessine plus grand et puis je me casse moins la nénette pour faire des dessins. Quoi. Moi, je pense que depuis que vous avez assuré donc la continuation de Reiser, donc de cette époque Reiser-Coluche, vous avez prouvé qu'on pouvait garder intact un état d'esprit qui est très marqué. C'est parce que c'était marqué par l'époque. Et pourtant, avec brio, avec talent, vous continuez à le perpétuer, cet esprit. Oui, bah, enfin, je sais pas quel esprit. C'est l'esprit un peu de Harakiri. Oui. Moi, je sais que quand je suis rentré à Harakiri, un de mes souvenirs, c'est que c'est Razer qui m'avait fait rentrer à Harakiri. Et très vite, Choron m'avait enlevé la paille des sabots, m'a un peu dégrossi, quoi. Et faisant donc, quoi? Oh, c'est tout simple. C'est venu aussi de moi-même. Le côté un peu gnangnan que j'avais dans les premières bandes dessinées qu'avait remarqué Razer. Et ben, tout ça, c'est parti vite fait. Quand j'ai vu comment... Déjà, je rentre dans une maison où je vois... Bon, pas mes idoles, j'aime pas ces mots-là, mais enfin, les gens que je vénérais depuis que j'étais gamin. Je vois ces gens-là bosser, et j'ai compris comment ils bossaient, et j'ai senti que je pouvais bosser comme eux. Mais tous les gens qui sont sortis d'Harakiri ont toujours... Là, on parlait de Berroyer. Il y a quand même une raison pour laquelle tous ces gens-là ont été tous ensemble. Alors, d'après vous, quelles sont ces raisons-là ? C'est un état d'esprit, c'est une manière de voir le monde. Chacun a un peu sa manière de voir le monde. Il y avait une différence entre GB et Razer, c'est pas pareil. Mais bon, c'était pas non plus spécialement une bande de potes. Ils bossaient tous ensemble, ils s'amusaient, mais dans la vie de tous les jours, ils se voyaient que pour bosser, quoi. Mais il y avait, je sais pas ce qui faisait ce lien. Tout le monde dit que c'est la rigolade. Non, parce que quand ils bossaient, c'était très sérieux. Ça bossait, quoi. Et je peux pas définir vraiment ce que... Quand vous avez rencontré Razer? Par hasard, c'est pour aller faire vite, c'est dans un train, je commençais la BD, j'étais en 80 ou 78, 79. Dans un train, on m'avait annoncé qu'il y avait le clip de Harakiri qui était là, alors moi, j'étais curieux de voir ça parce qu'on m'avait dit que c'était des vieux cons et c'était même pas la peine de les approcher. Et moi, je voulais un peu, donc je voulais en profiter d'aller les voir comme on va au zoo, quoi. Et puis, donc je m'approche du wagon, il y avait Cavanard, Razer, Cabu, et je sais plus qui d'autre. Et puis, le mec qui m'a présenté, il m'a dit, tiens, je vous présente Villemain. Et Razer, tout de suite, a dit, j'avais sorti un bouquin à l'époque, il tirait 3000 exemplaires, dont 2000 sont partis au pilon. Il en avait quand même lu un, et il m'a dit, ce que tu fais, c'est bien, tu viens nous voir à Harakiri jeudi. Ça s'est passé tout simplement comme ça. Moi, je suis reparti sur un petit nuage. Et le jeudi d'après, je suis rentré à Harakiri. Voilà. Je vous pose cette question parce que, franchement, les sales blagues, c'est vraiment cet esprit-là que vous perpétuez. On a l'habitude d'entendre que, bon, aujourd'hui, on ne peut plus rigoler comme des proches, on ne peut plus faire des blagues à la manière de Choron, on ne peut plus faire des dessins comme Reiser faisait, que notre époque était une époque plutôt frileuse et tout ça, et pourtant... Vous coltinez. Les sales blagues, c'est quand même quelque chose de spécial. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est une différence. C'était une série que faisait Razer. C'était pas Choron, je sais qu'il reprochait à Razer de faire ça. Puis il m'avait dit arrête de faire les sales blagues, même si ça le faisait marrer. Mais pourtant, il y a une manière de faire des blagues aussi. C'est vrai que je sais que j'aime bien les raconter, enfin les dessiner. Alors, raconter des blagues, il y a rien de plus chiant. Un mec qui passe ses... Au cours d'un repas, un mec qui me raconte une blague, une savade, au bout de deux, l'ambiance est cassée. Donc le principe, c'est que c'était une série. Et donc, moi, j'ai repris la série. Je sais que d'autres personnes on l'avait proposé, à l'époque, c'était dans l'école des savades, on avait proposé à d'autres personnes de faire ça. Et ça s'est arrêté sûrement, on s'est aperçu que ça fonctionnait, comme avec Razer, quoi. Ouais. Donc, ouais, peut-être que je mets le même esprit que faisait Razer là-dedans. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Mais il faut aller chercher les blagues aussi, parce qu'il y en a une sur bonne, une sur 100 peut-être qui est... Est-ce que vous arrivez encore aujourd'hui à avoir des réactions très violentes après la publication d'une blague, d'un dessin? Non, il n'y a jamais de... Enfin, j'ai eu des soucis un peu quand j'étais à Harakiri pour les dessins, mais pas... Jamais avec les sales blagues, bien sûr, il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse, mais... Ouais. Mais le plus beau compliment qu'on m'ait fait, curieusement, c'était, je me rappelle, c'était une dédicace, je vois arriver une grande bourgeoise... Mais vraiment une très belle femme, je voyais bien que c'était pas de mon monde. Mmh. Avec les sales blagues sous l'oreille, je me dis, monsieur, j'adore ce que vous faites, c'est plein d'humanité. C'est la première fois que vous me sortez ça. D'habitude, on dit toujours, ah, c'est bien l'humain, qu'est-ce que tu mets comme merde, et j'ai pleuré même. Et donc, c'était pas une... Non, j'ai jamais eu de truc agressif, vraiment. Si, sauf quand j'ai sorti peut-être Hitler et l'SS, et puis, des dessins que j'ai fait dans Harakiri ou Zéro. Mais bon. Qu'est-ce qui vous inspire, Philippe Villemain? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous donne des idées de blagues, de dessins? C'est plutôt ce que vous entendez à la radio, ce que vous disiez dans la presse, ou ce que... ce qui se dit dans les bars, dans les marchés, dans les rues que vous fréquentez? Ah, pour les blagues en général, j'ai des potes qui sont ouvriers, qui sont restés très simples, et donc sur leur chantier, ils entendent des blagues. Alors, il me raconte. Mais on en entend de moins en moins. Peut-être que l'époque est plus morose. Avant, chaque fois qu'il y avait une catastrophe ou un truc qui se passait, qui arrivait, boum, il y avait 2-3 jours après, il y avait une blague qui sortait, qui était plutôt drôle. Que ce soit une blague raciste ou une blague n'importe quoi. Il y avait toujours. Là, maintenant, j'en ai pratiquement plus entendu depuis. Ça fait un bail. Heureusement que j'ai un petit stock. Mais. Et comment vous analysez cette pénurie de blagues, Philippe Villemain? Je sais pas, mais il faut voir ce qu'avec les blagues, souvent elles reviennent. Quand on entend une nouvelle, comme maintenant je suis assez calé dans le secteur, des fois j'entends des blagues que j'ai lues qui datent d'il y a presque un siècle, disons, ou 80 balais. Mais réactualisées. Qui sont réactualisées, oui. Et souvent ça, c'est comme des cycles, ça revient. Moi, je fais que perpétuer le... Ah bah, ça m'inspire la dernière question. Est-ce qu'il vous arrive de réactualiser des dessins? Ah oui, de... Oh ben voilà, ce qui explique votre surproductivité, cher Philippe. Ah oui, non, oui. À chaque fois, j'en dis, mais il est fort, comme il a encore trouvé une idée. Bah, j'ai toujours dit qu'on peut rire de tout, mais on peut rire de tout deux fois. Et même trois fois. Donc, je peux... ça m'est arrivé de ressortir la même idée, je ne pourrais pas trouver mieux, donc hop, je refais ça. Voyons un peu votre humeur du jour. Trois questions à choisir dans la corbeille à viennoiserie, mais il n'y a pas de viennoiserie, c'est la crise. Non, il y a des questions. Aimeriez-vous changer de ville ? Non, je me sens très bien à Paris, j'aime bien l'oxyde de carbone. Quand je pars à la campagne, je me repose un peu, mais très vite j'ai envie de revenir dans cette ville-là spécialement. Deuxième question. Que lisez-vous en ce moment ? Eh ben, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle... Il a la mémoire qui flanche de bon matin, Philippe Villemain, vous vous souvenez pas du titre ? Si, si, le titre c'est Le charme discret de l'intestin, et c'est Chaque de Sud. Et pourquoi ce livre ? Parce que ça m'intéressait, comme je pense souvent avec mon ventre, à savoir que quand je me lève tous les matins, j'ai envie de bouffer. Je vais bientôt avoir la réponse. Troisième et dernière question. Est-ce que vous dansez ? Ah non, j'ai jamais dansé, j'ai toujours... Vous n'avez jamais dansé ? Ah si, oui, j'ai dû danser le rockabilly. Moi, j'étais un spécialiste du rock. Oui, je dansais. Mais c'est un peu ridicule, surtout. Ça serait ridicule, surtout à mon âge. Mais... Ah bon ? Il y a un âge où il faut arrêter de danser ? Non, mais dites-moi. Hein. Ah non, non, mais pour moi, non, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Même quand j'étais en boîte, j'avais un pont de faire ça. Par contre, ce que j'aime bien, je ne connais strictement rien, mais j'adore la danse classique. J'ai vu des films, des films reportages sur ces gens-là. Et il y a quelque chose de très beau et de pathétique. On a l'impression que le mec essaye de voler, et c'est ça qui est très beau. Et donc j'aime beaucoup les danseurs. Enfin, la danse classique, même que la danse contemporaine, j'aime bien regarder ça. Je comprends rien, mais voilà. Merci Philippe Villemain d'être passé ce matin. De rien. Merci pour le dessin inédit que vous nous laissez et qu'on peut retrouver. Ah ben oui, ben tiens, voilà. À la page de l'émission L'autre jour est possible sur franceculture.fr. Ah, vous êtes gaucher. Vous êtes en train de terminer. Moi, je peux dessiner dès demain. C'est vrai ? Dès demain ? Ah ouais. Avec la même aisance ? Je suis ambidextre. Oui, ça dépend. Si j'ai un sens, si je veux faire un dessin à droite, je prends la main droite, la gauche. Mais bon, en général, c'est plutôt la gauche. Mais sinon, je peux dessiner à droite sans problème. Avant, je travaillais au cirque Pinder. Comment vous êtes tombé dans le dessin ? Hein ? Comment vous êtes arrivé au dessin ? J'ai toujours dessiné. Avec mon frangin, on passe notre temps à dessiner et à copier les BD, enfin, choses comme ça. Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir ce matin. Je rappelle que votre exposition dure jusqu'au 17 octobre. C'est à la galerie Huberti Brenn, dans un quartier hyper chic du centre-ville parisien. Ça vous change un peu, non ? Oui, c'est très... Mais c'est près de chez moi, de toute façon. C'est vrai ? Oui. Vous habitez où ? À Répu. Quand je marche à pied, c'est... Demain, dans Un autre jour est possible, suite de notre série consacrée à Louis Pasteur par Éric Orsenna. En deuxième partie, je recevrai Pascal Tessot, qui sort son premier long métrage qu'on vous recommande vivement, Brooklyn. Bonne matinée et à demain.